Isanganiro. Et oui, vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de ce mercredi 22 février 2023, dont voici les principaux titres. Certains des projets des plans communaux de développement communautaire PCDC semblent difficiles à leur exécution pour les administrateurs. C'est du moins le contenu du rapport de la descente des députés pour l'évaluation du projet coopérative collinaire. C'était ce mardi à l'Assemblée nationale. Le phénomène de concubinage crée de sérieux problèmes dans les ménages de la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Notre consoeur Sheira Hirambona fait le constat, elle nous fera le point. Et dans la chronique Parle, rassure-moi, on vous parle des conséquences liées au fait de garder le silence à propos des violences observées dans le passé dans le but de cacher la vérité. Voilà pour l'essentiel de ce journal présenté par Aïssa Liliane Inamahoro et mise en onde par Anselme Irakodze. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Les gouvernements africains sont appelés de mener des actions qui s'imposent à chacun pour la mise en application effective de la zone de libre-échange continentale africaine. Déclaration du président burundais ce lundi lors de son retour du 36e sommet de l'Union africaine. Evariste Ndayishimiye a en outre appelé les Burundais à augmenter la production pour qu'ils puissent avoir du surplus à vendre. Suivez-le, il est traduit en français par Jean Dodieu Irakodze. Notre constat est que chaque pays membre doit faire tout son possible pour que cette zone de libre-échange continentale africaine soit bien organisée en vue de démarrer les échanges. Ici, il y a des questions que l'on se pose d'un coup pour les Burundais. Qu'allons-nous vendre? Est-ce que nous ne pourrions pas être comme ceux qui ont construit un marché et sont allés tous pour effectuer des achats? Comme nous le disons sans cesse et sans production, on fait des reculs en arrière car on est obligé de dépenser de l'argent pour acheter des produits d'autres. En ce moment où l'Afrique se réveille avec la jeunesse qu'elle dispose et de la main-d'œuvre, mettons-nous au travail. Il existe des gens qui n'ont pas encore connu ce qu'est le travail et qui demandent de l'emploi. Ici, je tiens à vous dire que si nous voulons se développer et avoir à vendre, concentrons nos efforts dans les secteurs que nous sous-estimons. Sans cela, ils viendront acheter tout ce que nous avons et nous resterons en arrière. Vous comprenez que nous sommes en train de créer un marché commun accessible facilement. Je me dis que ça tombe bien pour le Burundi qui était endormi. Donc, réveillons-nous et nous allons nous tenir bien car nous avons des modèles de pays à suivre qui se sont développés. Le nombre de femmes qui sont dans des instances de prise de décision respecte la constitution du Burundi, sauf chez les gouverneurs, où le quota de 30% n'est pas respecté. L'explication du président du Forum des partis politiques qui précise que selon les enquêtes menées dans la population, ces femmes leaders sont responsables au sein de la société. Pour que l'effectif des femmes dans l'administration soit augmenté dans les prochaines élections, Félicien Ndouburundi exhorte les femmes d'adhérer dans les partis politiques. Et quant aux représentants de ces partis, il leur demande de mettre en avant ces femmes sur les listes des compétiteurs. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. À mon référent sur la Constitution qui stipule que les femmes doivent avoir au moins 30% des quotas alloués aux hommes. Alors, si on regarde à gauche, à droite, dans l'administration, on commence par les administrateurs. Le pourcentage de 30% est d'ordre supérieur. Le problème se trouve au niveau des gouverneurs. Mais dans l'administration centrale, le pourcentage est de loin 30%. Et même à la tête du pays, ça veut dire la présidence, primature et vice-présidence. Sauf qu'il y a seulement l'ombudsman. Je pense que dans notre direction générale, le taux de 30% est loin supérieur à 30%. Selon vos enquêtes, comment la population apprécie les décisions prises par ces femmes leaders? La population apprécie très bien les femmes leaders. Et dans les enquêtes que nous avons menées, le peuple dit que les femmes qui sont dans les sphères de décision Si elle vous accorde une audience, elle vous reçoit très impeccablement. Et au sein du forum, qu'est-ce que vous faites pour appuyer ces femmes leaders qui sont dans les instances de prise de décision? On leur prodigue des conseils d'adhérer aux différents partis politiques. Après, se faire élire dans le parti politique dont elle est membre. Après, participer dans des réunions organisées par le parti pour éviter la timidité. Et ensuite, des fois, on organise des ateliers à leur faveur pour permettre de dire ce qui ne va pas dans les partis politiques dont elles sont membres. La période électorale approche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'effectif des femmes leaders puisse augmenter? D'abord, ça c'est le travail des partis politiques respectifs. Je conseillerais aux leaders des partis politiques de mettre les différentes femmes qu'ils enregistrent dans leur parti sur les listes dans des positions utiles. Sur trois, qu'il y ait au moins une femme. Dans la société burundaise, plus souvent, on observe la stigmatisation des femmes au sein des instances de prise de décision. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est une maladie. Le chanteur Fab Blondie a dit « Seuls les imbéciles ne changent pas ». Je dirais à cela de changer de mentalité. Mais certaines femmes ont peur d'occuper certaines fonctions politiques. Quel conseil? Je conseillerais à l'idée des partis politiques de toujours penser à ces femmes qui veulent occuper ces places. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Et oui, ce journal continue sur Isanganiro et je vous le disais tout au début de ce journal dans les titres. Certains administrateurs et les responsables du FONIC et de l'ANACOP ne maîtrisent le contenu des plans communaux de développement communautaire PCDC. C'est ce que dévoile le rapport de la descente des députés pour l'évaluation de l'adéquation des projets de coopératives collinaires par rapport à ceux inscrits dans les PCDC qui a été présenté ce mardi à l'Assemblée nationale. Des élus du peuple trouvent utile des renforcements de capacités des intervenants dans ce secteur. Le point avec Moïse Misago. Au passage au marché du chef-lieu de la province Chankouzo, l'on voit réellement la précarité des denrées alimentaires. Le haricot. Bijanye na PCDC, bijanye na mazure coopérative. Kintu cha mbere kirimo bamistandeli bigeze kuba PCDC icyaricyo. Le président de l'Assemblée nationale constate que des responsables des communes ainsi que ceux du Fonds national d'investissement communal FONIC et ceux de l'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives ANACOP ne maîtrisent pas le contenu des plans communaux de développement communautaire. Le député Daniel Zelaz Ndabirabe. Nous l'avons constaté, ils ne comprennent pas ceci. Après la collecte des idées, ils n'ont pas su où ils devraient les acheminer. C'est une réalité. Ils ne savent pas ce que le PCDC, même là où on a conçu ces livres, l'exécution n'a pas été faite. Certains responsables des communes ne maîtrisent pas des projets de sociétés des coopératives. Le gouvernement devrait rendre disponibles des agents pour le suivi des activités de ces sociétés pour augmenter la production, selon cet élu du peuple. Ces sociétés coopératives doivent être suivies pour avoir de production. Sinon, ils viendront ici et répondront. La production ne va pas augmenter. D'autres élus du peuple trouvent irréaliste des plans communaux de développement communautaire et proposent un plan communal de développement modèle pour toutes les communes du pays. Ce sont des PCDC irréalistes. Ils contiennent beaucoup de projets. Je propose dans le PCDC modèle qu'il y ait des projets essentiels. Le développement des communes est unique. Je trouve qu'il faut un PCDC modèle unique pour toutes les communes du pays. Le ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions promet que des responsables du FONIC et ANACOP doivent suivre les coopérateurs sur terrain. Toutefois, Martin Itérese trouve difficile la mise en place d'un seul modèle du plan communal de développement communautaire. Le programme du gouvernement de financer les sociétés coopératives a commencé en 2019. Selon le Fonds national d'investissement communal FONIC, au niveau national, le nombre des sociétés coopératives s'élève à 2 911. Moïse Misago, le manque de semences pour les agriculteurs de la province Changuzo est un grand défi pour commencer la saison B. Ce défi a été relevé ce mardi dans une réunion des intervenants dans le secteur agricole à Changuzo, où l'on constate qu'à peu près 3000 ménages agricoles, suite aux aléas climatiques, n'auront pas une bonne récolte pour la saison A. Le gouverneur de la province Changuzo trouve que cela risque d'être un handicap pour le semis de la saison A, et a demandé aux ONG et autres intervenants de focaliser leurs interventions dans l'octroi des semences à tous les nécessiteux. Correspondance de Raymond Moudende depuis Changuzo. Au passage au marché du chef-lieu de la province Changuzo, l'on voit réellement la précarité des denrées alimentaires. Le haricot, c'est le tout principal semence pour la saison qui tira les baies, est devenu rare. Le prix par kilo ne cesse de grimper, du fait que la récolte de la saison A a été médiocre. Le prix du haricot a passé de 1500 par kilo à 3000 francs. C'est cette situation de fait qui a motivé une réunion de ce mardi des ONG et autres intervenants agricoles en province Changuzo pour arrêter les stratégies possibles pour faire face à la pauvreté rurale qui s'annonce déjà. Dans cette réunion, le gouverneur de la province Changuzo, Boniface Lanyezako, a demandé aux ONG de planifier une urgence dans l'octroi des semences aux nécessités. Et dès lors que les semences seront données, la direction provinciale de l'agriculture à Changuzo demande aux agriculteurs d'amorcer le semis le plus tôt possible. Et vous saurez que plus de 800 ménages de la commune Changuzo, 100 ménages de la commune Tchendajuru, 1500 de la commune Kigamba, et 500 de la commune Gisagara n'auront pas une bonne récolte d'haricots pour la saison A suite aux aléas climatiques. Depuis Changuzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Et oui, quittons Changuzo, rendons-nous en province Bururi, où le gouverneur de cette province a sorti ce mardi un communiqué fixant les nouveaux prix des tickets de transport dans les différentes axes de cette province au moment où le parking de Bururi à Rumonge, de même que de Bururi à Matana, le prix du ticket est désormais fixé à 4000 francs bou, alors qu'il payait 5000 francs bou. Les conducteurs de véhicules disent qu'il est difficile de respecter ces prix suite aux prix de pièces de rechange et de carburant qui ont été revus à maintes reprises à la hausse. Ils demandent une réunion avec le gouverneur. C'est une correspondance signée Anatole Nzambimana. Dans son communiqué sorti ce mardi, le gouverneur de la province de Bururi annonce les nouveaux prix de tickets de transport de Bururi à Rumonge, de même que de Bururi à Matana, où on payait 5000 francs burundi ou même plus en cas de pénurie du carburant. Le ticket de transport est désormais fixé à 4000 francs burundi. De Bururi à Mahwa, une somme de 3000 francs burundi, alors qu'on payait 4000 francs burundi. De Bururi à Makamba, de même que de Bururi à Vianda, une somme de 5000 francs burundi, alors qu'on payait une somme de 8000 francs burundi ou même plus en cas de pénurie du carburant. De Bururi à Kivuruga, de Bururi à Muyanga, en commune de Mugamba et de Matana à Rutovu, le prix de ticket de transport est fixé à 2000 francs burundais, alors qu'on payait avant 3000 francs burundais. De Bururi à Kiremba, une somme de 1000 francs burundais. Dans la ville de Bururi, les motards ne doivent pas dépasser une somme de 500 francs burundais. Selon toujours le même communiqué, ces prix devraient être mis en application à partir de ce mardi 21 février 2023 et celui qui osera passer outre toutes ces mesures sera puni conformément à la loi. À la fin de ce communiqué, colonel Léon des Amasso appelle les autorités administratives et policières dans toutes les communes de la province de Bururi à faire respecter toutes ces mesures. Djivan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, nous a fait savoir que le cabinet a pris toutes ces mesures dans le but de répondre aux grognes des passagers qui dénonçaient certains des conducteurs des véhicules assurant le transport en commun qui fixaient eux-mêmes les prix selon leurs convenances. Certains des passagers rencontrés le matin de ce mercredi au parking de Bururi ont vivement saluer ce communiqué, mais déplore que ces mesures n'étaient pas encore mises en application. Les chauffeurs rencontrés à ce parking de Bururi nous ont fait savoir qu'ils ont mal accueilli cette baisse du prix du ticket de transport, arguant que les prix des pièces de rechange sur tous les pneus et ceux du carburant ont été également revus à la hausse à maintes reprises, raison pour laquelle il est très difficile de mettre en application ces prix de ticket de transport. Ils demandent une réunion avec le gouverneur de la province de Bururi qui a pris toutes ces mesures pour trouver une solution. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Et oui, un grand merci à Zenon Nzambimana, notre correspondant dans la province Bururi. Dans quelques poussières de secondes, la chronique parle, rassure-moi. Rassure-moi. Garder le silence à propos des violences observées dans le passé a pour but de cacher la vérité afin de protéger les membres et les intérêts de son groupe. Le chercheur en politique de paix, Silver Nakarutimana, indique que souvent ces derniers rejettent les fautes à l'autre groupe. Le cycle de vengeance est l'une des conséquences liées à ce comportement. Selon lui, il faut plutôt dénoncer pour bannir ce genre d'accusations injustes. La chronique, elle est signée Ornella. La non-dénonciation de certains gens et prendre d'autres pour de boucs émissaires est fait dans le but de ne pas découvrir la vérité afin de protéger les responsables qui sont de leur groupe. Explication de Silver Nakortimana, chercheur en politique de paix. Bon, la plupart des fois, on voudrait cacher les agissements du groupe d'appartenance. Et d'ailleurs, c'est une aberration, c'est même une aberration de dire qu'un groupe d'appartenance commet des crimes. Ce sont les individus du groupe qui commettent des crimes. Et la plupart des fois, les gens qui le font veulent protéger les leurs, c'est-à-dire les gens qui appartiennent au même groupe, comme si on voudrait enjoliver le groupe d'appartenance comme si c'était un groupe sain, alors que les individus qui s'y trouvent, il y a des bons, il y a des mauvais. L'une des conséquences est les violences répétitives liées à l'impunité et à la vengeance. Si on cache des crimes quelque part, c'est que toi-même qui caches, tu ne veux pas que ce crime un jour soit banni au niveau de la société. Lorsqu'un crime se commet, c'est qu'il y a des victimes. Les victimes pourront peut-être un jour prendre leur revanche. Et ce qui devient une sorte de cycle infernal de la violence qui est occasionné par le cache-cache ou la dissimulation des faits, des crimes qui ont été commis par des individus qui normalement devraient être connus pour être punis. Sylvain Nakarutimana conseille les témoins actifs à dénoncer les auteurs de ces crimes pour alerter la communauté de faits jugés comme délits. C'est lui qui voit qu'il y a des choses qui sont en train d'être dissimulées, surtout les crimes. Il faudrait qu'il ait le courage d'assassin et pouvoir dénoncer à temps afin que on puisse punir les responsables. Parce que si on ne le fait pas, il y aura toujours ce cycle de vengeance, de violence, et on n'aura pas donné, j'allais dire, une chance à la société de pouvoir recouvrer la paix si une fois les crimes sont dissimulés. Poser le silence et dénoncer les responsables vise à prévenir la justice populaire, mais aussi la récidive. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Raïssa Liliane Inamahoro. Nos programmes continuent. Au revoir.